Tadiho. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principales articulations. L'ONG Avocats sans frontières prévoit arrêter ses activités au Burundi d'ici le 31 décembre. Dans ce journal, vous entendrez les réactions du barreau de l'Ordre des avocats de Bujumbura ainsi que l'Association des volontaires pour la défense des droits des prisonniers. Les deux estiment que cette décision ne sera pas sans conséquences. Des clients de la régie des eaux se plaignent de la lenteur dans les relevés des compteurs d'eau. Cela gonfle les factures qui deviennent difficiles à payer, vous l'entendrez. Des jeunes du site de déplacés de Gagnoni en commune Guetta disent bien cohabiter avec ceux qui sont restés sur les collines. Ils ont espoir que les prochaines échéances électorales vont bien se dérouler. Reportage du jour, les femmes travailleuses de sexe réclament l'implantation des coopératives et autres projets de développement. Cela les aiderait à rompre avec ce travail non moins risquant. Et puis dans la chronique santé, nous reviendrons sur la méningite, une maladie mortelle mais qui peut être traitée. Encore une fois, bonjour et bienvenue à cette édition. Le volet aide légale sera touché avec la fermeture de l'organisation Avocats sans frontières vers la fin de ce mois de décembre. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bujumbura appelle le gouvernement à allouer à ce secteur un budget relatif et suffisant comme remède. Maître Salvatore Kiyuku indique que les conséquences seront automatiques en l'absence de cette ONG qui appuyait également dans la formation des avocats. Il s'entretient avec Alain Désiré Bukeneza au téléphone. Nous avons effectivement appris avec peine la fermeture des bureaux d'Avocats sans frontières ici au Burundi. Il y a impérativement des répercussions sur notre façon de travailler, des répercussions sur nos relations avec la clientèle, notamment les vulnérables, qui ne pourront plus être servis comme ils étaient avant. Surtout que nos barreaux, nos institutions n'ont pas suffisamment de moyens pour satisfaire aux exigences de tous les vulnérables. L'association travaillait dans quel domaine? Elle travaillait dans le domaine de l'aide légale, effectivement le soutien aux vulnérables, aux victimes de violences sexuelles basées sur le genre, aux violences de tout genre. Avec la fermeture, quelles seront les conséquences? Les destinataires de ces prestations, ils n'en auront plus comme ils devaient l'avoir. Ils vont sûrement recourir à nos services. Nous n'avons pas beaucoup de moyens. Nous essaierons d'y pourvoir autant faire se peut. Et nous requérons du gouvernement un appui très sérieux, un appui très imposant parce qu'il y a beaucoup de vulnérables qui ont besoin de recourir à la justice. La plupart des gouvernements le font. Ils votent un budget pour ce genre de prestations et on demande au gouvernement d'intérioriser ce problème et de voter un budget adéquat pour cette rubrique. L'Association des volontaires pour la défense et des droits des prisonniers, AVDP en sigle, indique aussi que les conséquences de fermeture du bureau de l'ASF au Burundi sont nombreuses. Le président de cette organisation, Jean-Pierre Nineletse, cite notamment les associations partenaires de l'ASF qui œuvraient pour la défense et des droits des prisonniers, lesquelles associations seront également touchées. Il a été joint au téléphone par Aubin Nyonguru. Il y aura des conséquences parce que c'était l'ONG aidait souvent des prisonniers et les associations qui œuvrent dans ce domaine, surtout dans la poursuite des dossiers des prisonniers. Alors, vous entendrez que si elle ferme les portes, il y aura des impacts énormes sur la poursuite des dossiers des prisonniers parce que il y a des dossiers qui étaient dans la justice. C'est-à-dire qu'il y a des dossiers qui étaient dans les mains des avocats qui étaient à la charge de ce ONG qui vont abandonner ces dossiers parce qu'ils n'ont pas de moyens pour continuer à poursuivre ces dossiers. Et aussi les associations qui étaient appuyées par l'avocat sans frontières, elles auront aussi des difficultés à continuer à vaquer convenablement à leurs activités, surtout dans la promotion des droits des prisonniers. Certains jeunes du site de déplacés d'Orgagnoni en commune Guiheta de la province Guitéga disaient bien cohabiter avec ceux qui sont restés sur les collines de façon générale. Ces jeunes espèrent également que le processus électoral prochain de 2020 va bien se dérouler. Chartier Nyungeko, le coordinateur de l'ONG Mipare, indique que les jeunes devraient recevoir des éclaircissements sur la notion de démocratie. Le point avec Arthur Kavaouchi. Nous y reviendrons. Je vous disais que certains jeunes du site et de déplacés d'Orgagnoni en commune Guiheta de la province Guitéga disaient bien cohabiter avec ceux qui sont restés sur les collines de façon générale. Ces jeunes espèrent également que le processus électoral prochain de 2020 va bien se dérouler. Chartier Nyungeko, le coordinateur de l'ONG Mipare, indique que les jeunes devraient recevoir des éclaircissements sur la notion de démocratie. Le site Gagnoni de la zone de Kabanga en commune Guiheta de la province Guitéga a été créé en 1998. Là, il vivait depuis 1993 dans les écoles de Kibimba et actuellement, il compte 1020 habitants. Selon certains jeunes de ce site avec lesquels nous nous sommes entretenus, la cohabitation entre eux et ceux qui sont restés sur les collines est bonne. Cependant, ces jeunes ne manquent pas de mentionner les conséquences de vivre dans le site comme le développement étant donné qu'ils doivent parcourir beaucoup de distances pour aller travailler dans leur champ. Quant à ce qui est des élections de 2020, ça dépendra de comment se présentera la situation à ce moment. Toutefois, ils restent confiants que ce processus électoral va bien se passer. Si le calme d'aujourd'hui perdure. Chartier Nyungeko, coordinateur national de l'ONG Miparek, où ils ont un projet de la contribution à la cohésion sociale, appelle les jeunes à rester sereins en mettant ensemble leurs forces pour le développement. Une autre chose, c'est que les jeunes doivent recevoir des éclaircissements sur la notion de démocratie pour qu'ils comprennent bien que celui qui ne partage pas les mêmes opinions n'est pas un ennemi. Selon lui, ça contribuerait à la réussite des prochaines élections. Arthur Kavaouchi, Guitéga, Radio Isanganiro. Isanganiro, la radio de l'avenir. Après une semaine de pénurie du carburant en province de Cibitoke, une seule station se trouvant au chef-lieu de la commune Lugombo est en train de servir du carburant sous la supervision de la police. Des files d'attente de voitures et de motos s'observaient sur cette station ce mardi. Le commissaire de la commune Lugombo explique que la police a eu l'ordre de contrôler ce travail pour éviter le désordre. Alors que la station n'a reçu que 6000 litres, les chauffeurs saluent la disponibilité de ces produits pétroliers mais demande que la quantité soit augmentée, d'autant plus que sur le marché noir, le litre s'achète à 4000 francs burundais. Certains clients de la régie des eaux à mairie de Bujumbura se plaignent de sa lenteur dans les relevés des compteurs d'eau. Ils expliquent que cette lenteur cause l'incapacité de payer des factures car ces dernières contiennent des montants élevés. Ces clients demandent à la régie des eaux de leur donner à temps les factures de l'eau consommée. En éducation, plus de 280 000 cas d'abandon scolaire ont été enregistrés au cours de l'année scolaire 2016-2017. Cela est dit par la directrice générale de l'enseignement fondamental et post-fondamental. C'était dans la campagne de lutte contre les abandons scolaires et grossesses non désirées en milieu scolaire ce lundi à Kirundo. Les grossesses non désirées pour les jeunes filles et les facteurs économiques sont les unes des causes de ces abandons. Correspondance d'Agnès Naumagazé depuis Kirundo. Selon Mme Ihoriho Zéjanine, directrice générale de l'enseignement fondamental et post-fondamental, le facteur économique, les grossesses non désirées pour les jeunes filles, sont l'un des principaux causes d'abandon scolaire. Pour Mme Ihoriho Zé, l'année scolaire 2016-2017, 280 605 cas d'abandon ont été enregistrés, soit 9,73% au niveau national. Selon Mme Ihoriho Zé, l'année scolaire 2017-2018, l'école fondamentale a enregistré 263 320 abandons scolaires, dont 353, 370 garçons et 109, 950 jeunes filles. Quant à l'école post-fondamentale, 178 des 185 abandons scolaires ont été enregistrés, soit 9715 garçons et 7570 filles. Pour Madame Ihorihoze, le travail de lutte contre les abandons scolaires et les grossesses non désirées n'est pas seulement celui du ministère de l'Éducation, mais c'est le rôle de tout le monde. Le conseiller principal du gouverneur de Kirundo, Daniel Machumi, a mentionné que la province de Kirundo a enregistré plus de 21 000 cas d'abandon scolaire dans l'année scolaire écoulée. Madame Ihorihoze a dit que dans l'urgence, deux éducateurs par école seront désignés comme tante et père d'école, qui auront le rôle de prodiguer des conseils et de faire de l'écoute empathique. Cette campagne va s'étendre sur 7 jours dans toutes les provinces du pays, comme l'a indiqué la directrice générale de l'enseignement fondamental et post-fondamental dans le lancement de la campagne de lutte contre les abandons scolaires et les grossesses en milieu scolaire ce lundi à Kirundo. De Kirundo, Agnès Nhaumagadze pour la radio Isanganiro. Merci Agnès. Environ 500 scouts venus des pays membres de la communauté est-africaine sont rassemblés à Gitega depuis le soir de ce lundi dans le cadre de leurs activités. Cependant, ils disent avoir mal accueilli le refus d'entrer au Burundi pour près de 300 scouts en provenance de l'Ouganda. Gérard Nibigira. C'est sur la colline Bungere, commune Makebuko, province Gitega, que sont rassemblés environ 500 scouts venus des pays de l'Afrique de l'Est depuis le soir de ce lundi. Il s'agit des scouts venus du Burundi, du Rwanda, du Kenya, de la Tanzanie, du Sud-Soudan et de l'Éthiopie, comme l'indique Ernest Arakaza, vice-président de la commission chargée de l'organisation des activités de la compétition des scouts de l'Afrique de l'Est. Il précise que pendant 5 jours qu'ils passeront sur cette colline, ils seront occupés par 3 activités, à savoir la compétition zonale des scouts en matière de scoutisme et de la culture, le forum zonal des scouts et la conférence zonale. Cependant, Ernest Arakaza fait savoir que les scouts présents à Bungere ont mal accueilli leur refus d'entrée au Burundi des scouts de l'Ouganda. Un des scouts ougandais contacté à Bungere a signifié que les scouts ougandais refusaient l'entrée au Burundi aussi autour de 300. Il souligne également que les raisons de ce refus restent inconnues et que presque tous ces scouts sont des élèves. En outre, tous les scouts venus des pays de l'Afrique de l'Est se disent satisfaits par l'état sécuritaire qui prévaut au Burundi et de l'accueil chaleureux qui leur a été réservé. Depuis Gitega, Gérard Nibigira pour la radio Isanganiro. Merci Gérard. Je vous le disais en titre, l'implantation des coopératives et d'autres projets de développement sont réclamés par les femmes travailleuses de sexe afin de rompre avec ce travail. Celles qui se sont entretenues avec la radio Isanganiro l'affirment, de même que les organisations qui les prennent en charge. Le constat est que celles qui sont parvenues à s'auto-développer ne sortaient plus avec n'importe qui et cela contribue dans leur protection contre le VIH-Sida. Francis. Les travailleuses de sexe ont besoin d'être accompagnées, surtout avoir des conseils sur le comportement à adopter. Elles ont besoin de savoir comment se protéger contre le VIH-Sida et d'autres maladies sexuellement transmissibles. Une femme qui s'est confiée à la radio Isanganiro nous a fait savoir que même si elle s'est complètement donnée à ce travail, elle a choisi d'encadrer les autres qui sont considérés comme des marginales. Ce sont des gens marginalisés. Chacun les prenne comme il le veut, quand il entend que ce sont des travailleuses de sexe. Nous tous sommes des humains, peut-être ta fille ou quelqu'un d'autre. Pourquoi les maltraiter? Je me suis dit pourquoi je ne peux pas être leader pour les défendre. J'ai été fortement touchée car je voyais que dans la société, il y a un manquement. Différents problèmes engendrent ces dernières dans ce métier. Comment s'y prendre en cas de séropositivité est le premier contenu des entretiens avec les travailleuses de sexe afin de pouvoir gérer la situation. Je les encourage en leur montrant qu'elles sont comme les autres et celles qui sont capables d'abandonner peuvent le faire car ce n'est pas un bon métier. Si vous avez un enfant alors que vous êtes dans ce métier, ça ne vous honore pas. En les sensibilisant, Je les encourage d'abandonner si possible, sinon elles peuvent continuer en se protégeant contre le VIH-Sida. Celles qui est déjà contaminée, qu'elles prennent des ARV et savoir comment se comporter, ces dernières meurent rapidement. Je les sensibilise de se retenir car la vie continue. Et celle qui tombe enceinte, elle peut être suivie à l'hôpital et par après mettre au monde un enfant sain. La sensibilisation sur la lutte contre le sida pour les hommes reste un défi. Selon l'infirmière Janine Kanyambo du Centre Nouvelle Espérance, certains hommes trouvent que la lutte contre le sida est la tâche des femmes. Elles mènent cette vie dans la tristesse, mais nous les sensibilisons pour qu'elles viennent se faire dépister. Des fois, nous les rencontrons là où elles vivent. Certaines acceptent. Les jeunes sont difficiles, ils n'arrivent pas même au centre de dépistage. Ils pensent que ceux qui viennent au centre sont déjà séropositifs et qu'ils craignent d'être vus comme quoi ils sont eux aussi malades du sida. Pierre Claver Ndayizeye, directeur exécutif de l'Alliance burundaise contre le sida ABS sans sigle, affirme que la sensibilisation de cette catégorie de personnes pourrait contribuer dans la prudence pendant l'exercice de leur travail. Les travailleurs sexuels, ils ont fait un choix d'être les travailleurs sexuels. Maintenant, il faut qu'on puisse respecter le choix de ces personnes. C'est dans ce cadre que nous essayons de mobiliser ces groupes pour que leurs droits puissent être respectés par la communauté. Et si, par aventure, il y a des gens qui sollicitent les services de ces travailleurs sexuels, ils puissent négocier valablement et donner la contre-valeur à juste titre. Ici, je donne un exemple. En TS, dans le temps, on pouvait faire le sexe avec un client à 2000 francs, mais avec le projet, on a sensibilisé vraiment les travailleurs sexuels dans la zone d'intervention. Maintenant, c'est elle-même qui fixe le prix et le client y adhère. Comme ça, la travailleuse sexuelle, son métier lui apporte des fonds qui puissent peut-être leur servir au niveau de l'éducation des enfants ou au niveau de leur survie. Les travailleuses de sexe ne devraient pas être discriminées. La création pour elles des projets de développement pourrait les amener à changer de comportement. Radio Isanganiro, chronique santé. Dans la chronique santé de ce mardi, nous allons revenir sur la méningite, une maladie qui peut être traitée, mais est également mortelle, selon le directeur du programme élargi de vaccination. Dr Olivier Nijimele précise qu'en cas d'épidémie, près de 50% de malades peuvent mourir. Il indique également que c'est la raison pour laquelle le programme de vaccination avait prévu, au cours de ce même mois de décembre, la campagne de vaccination contre cette maladie. La chronique est présentée par Ornella Mucho. Dans notre précédente chronique santé, nous vous avions parlé que la méningite est une maladie causée par le microbe ainsi que le virus. Comme l'explique le directeur du programme élargi de vaccination, cette maladie a des conséquences néfastes sur la santé. Docteur Olivier Nijimbele donne l'exemple des troubles d'audition comme l'une des conséquences. La méningite est une maladie grave, mortelle. Je vous dis que par exemple, en cas d'épidémie de méningite à méningocoque, près de 50% des malades peuvent mourir. Même en cas de traitement, la personne qui a été infectée par la méningite peut garder des séquelles, que ce soit au niveau du cerveau ou au niveau de l'audition. Par exemple, la personne peut avoir des troubles de l'audition, qui sont les séquelles de la méningite. Parfois, il y a aussi un retard intellectuel dans les suites du méningite. Comme l'explique toujours ce médecin, c'est le cas du traitement, la méningite doit être considérée comme une urgence médicale. La méningite est une maladie qui peut être traitée. Et en cas de méningite, il y a des antibiotiques qui sont administrés au niveau des hôpitaux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la méningite doit être considérée comme une urgence médicale. Les signes peuvent apparaître quelques jours après la contamination. C'est ce que nous appelons une période d'incubation qui peut aller jusqu'à 7 à 10 jours. La vaccination est le moyen sûr pour lutter contre cette maladie. Selon Dr Nijimbele, souligne que la vaccination n'a aucune conséquence sur la santé de l'homme, comme le pensent certains. La vaccination, c'est le moyen le plus sûr pour se prévenir contre la méningite, surtout la méningite à méningocoque de sérogroupe A. C'est un vaccin qui nous permet de réduire très considérablement les épidémies de méningite. Comme on connaît aussi ses avantages dans plusieurs pays qui ont déjà conduit ces campagnes de vaccination. Et pour votre information, le Burundi est le 21e pays qui conduit cette campagne de vaccination et parmi les 26 pays qui appartiennent à la ceinture africaine à méningite. La campagne de vaccination contre la méningite a eu lieu en début du mois de décembre 2018, 26 ans après celle de 1992, au moment où la méningite avait été observée comme une épidémie au Burundi, comme l'a dit le directeur du programme élargi de vaccination, Dr Olivier Nijimbere. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Elie Kadogo pour la collaboration technique. Excellente journée à tous. Au revoir.